I want to be the best teenager, but with you walking at the door, I follow the solution. Mes copines galèrent de trop, moi j'ai un bulletin en or. Mes parents sont trop ravis et les profs sont d'accord. C'est pour arriver à mes fins, ça c'est mon grand secret. J'ouvre la bouche, j'ai faim, mais qu'est-ce que j'y mets? Mais qu'est-ce que j'y mets? Qu'est-ce que j'y mets? Du 7 en maths. Il avait un goût de miel. 12 en géo. Du pâté blanc à la pelle. 20 en philo. Tout est dans la profondeur. 9 en sport. Des nausées sur ses sueurs. Tout le monde danse! Une petite pipe contre une bonne note. Un mol de sperme dans les quenottes. Rebecca a tout compris. Elle ira loin dans la vie. Tout le monde danse, ouais! Dans la vie, dans la vie, dans la vie de Rebecca. Rebecca, Rebecca, Rebecca, carébé. Carébé, cabéré. Le chômage frappe fort en France. Et moi, je ne comprends pas. À chaque entretien que je passe, je sors avec mon contrat. Après deux ou trois questions, le gars me dit, c'est plus la peine. Ça tombe bien, je suis poli, je n'ai pas la bouche pleine. Germaine, 15 ans d'ancienneté, et puis moi, bah ça fait un mois. On se bat toutes les deux pour le poste de sous-chef de la compta. Même si moi je sais pas compter, j'ai mon secret sucré. Il me suffit d'une sucette pour que Germaine se fasse gicler. Tout le monde frappe dans ses mains. Une bonne pipe, une promotion. Les bols de sperme se font légion. Rebecca a tout compris. Elle ira loin dans la vie. Tout le monde frappe. La vie de Rebecca. Rebecca, Rebecca, oh oh. À la maison de retraite et ma vie touche à sa fin. J'en ai mangé toute ma vie et pourtant j'ai encore faim. Heureusement il y a le vieux gras, on pouvait remonter mes popoles. Car à 80 ans, la nature est un peu mal. Tu es une grosse pute, Rebecca. Mais tu as fait plaisir à tant de gars. Mais comme tu goûteras au curé aussi, tu auras ta place au paradis des zizi. Tout le monde bute! Le frère de DiCaprio, c'est un acteur.